autre que Elephant, qui nous offre quand même une belle structure mélodique pour un excellent texte sur le besoin d'apprendre du passé. Il y a deux autres superbes pièces qui m'ont beaucoup, beaucoup plu sur cet album-là. Bon, celle qu'on va entendre dans quelques instants de Shaun Jobin, c'est « Danse ta vie », qui est un pop dance qui accompagne un des meilleurs textes de l'album. Et il y a « So Close », qu'on va entendre en fin de commentaire, qui nous offre une exécution vocale assez puissante. On remarque sur cette dernière chanson un beau travail au niveau de la prosodie du texte qui s'harmonise bien avec la musicalité de cet extrait. Donc, So Close, ça s'en vient vers la fin du commentaire. Mais juste avant, on va y aller avec un bon pop dance pour vous faire danser. Danse ta vie. Et encore là, le propos est assez intéressant, merci. Donc, une belle écriture de la part de Shaun Jobin qu'on écoute à l'instant même avec la chanson « Danse ta vie ». Au-delà de l'évidence, j'aimerais croire que la vie danse sur un pas de chance qui n'est jamais dans le même sens, jamais sur le même rythme. Des fois lentement, des fois vite, même chose est sûre. Chaque mouvement provient des tripes, chaque pas est important, même si on ne les compte pas. Chaque moment, ses instants, de la rue au baccalauréat. Bac à la réalité, faut comprendre qui tu es, celui qui mène ou celui qui se fait guider. J'aimerais croire que la vie danse sur une musique du monde pour que les gens dansent ensemble pour une seconde. Un moment interminable, nous serions indestructibles. Un grain minable dans ce sablier irréversible. Ce n'est pas des pas de danse sans lune mais bien des pareils. Tous les gens dansent leur vie paisiblement en parallèle. Un peu à gauche, un peu à droite, on se laisse aller. De manière gauche et maladroite, on oublie de s'apprécier. Allez danse ta vie. Comme si personne ne nous regarde. Les malaises et maladresses en riront plus tard. Allez danse ta vie. Comme si demain n'existait pas. Comme si la vie était un dimanche passé en pyjama. Allez danse ta vie. Comme si le soleil en dépendait. Comme si tu pouvais ressentir ce qu'il y avait de plus vrai. Allez danse ta vie. Le ridicule ne mord pas. Mort et cuisson, c'est bien. On sait plus qu'on s'en va. De confiance, mais c'est pas pour tout le monde. Malgré les circonstances, plusieurs décident de piétiner lourdement la piste de danse. Où d'autres y trouvent une joie, les fait perdre leur cadence. La vie n'est qu'une transe, une tranche d'existence. Malgré ce que les gens pensent, on danse sur toute la distance. Dans toutes les distances, déhanche ta conscience. Fais bouger l'imagination, question de mettre de l'ambiance. Oublie le monotone, les fait place aux montagnes russes. Si plus rien ne t'étonne, c'est qu'il faut vivre plus. Chaque minute est la bonne pour perdre le focus. Célébrer la vie tel que Bacchus et le roi Gambrinus. Écoute, pas tantôt mais maintenant, vaut mieux vivre dans l'instant, sans trop savoir de plan qu'avoir un futur comparable à un terrain mêlé d'échecs. Vaut mieux viser haut et de très bien tirer sa flèche. Allez danse ta vie. Comme si personne ne nous regarde. Les malaises et maladresses nous en riront plus tard. Allez danse ta vie. Comme si demain n'existait pas. Comme si la vie était un dimanche passé en pyjama. Allez danse ta vie. Comme si le soleil en dépendait. Comme si tu pouvais ressentir ce qu'il y avait de plus vrai. Allez danse ta vie. Le ridicule ne mord pas. Mort et cuisson, c'est bien. On sait plus qu'on s'en va. Maturité et assurance. Eh oui, c'est deux mots qu'on pourrait utiliser, là. Maturité et assurance sont les termes avec lesquels on pourrait définir ce troisième disque du rappeur slammer francescois Shaun Jobin. Elephant est un témoignage de l'évolution de ce jeune artiste, toujours avec un message qui interpelle les jeunes et qui invite également à la réflexion sur le sens et la valeur de la vie à un auditoire moins habitué au style musical qu'il fait. On peut tendre l'oreille à cet excellent produit réalisé par Mario Lepage au studio Sonny Black Production, le studio où ont enregistré les Corneille, Shims et Marc-Antoine. Et je vous donne des adresses, bien sûr, pour vous procurer ce produit-là. soit www.apcm.ca ou encore sean-jobin.squarespace.com. On y va avec une dernière pièce, ça s'appelle « So Close ». Voici Sean Jobin. J'ai poussé du vent, j'ai perdu du sang, oh. Dans ce sens unique, j'ai taché ma tunique. Tu n'es qu'une addition dans ce petit cirque. Les circonstances me proposent qu'on se lance. Sur mes trois pommes, tu vois trois hommes. J'ai les poches sans somme, mais la vie est bonne. À plus ou moins rien, et le soleil à moins 20 me rappelle que la chaleur est aussi gelée. Vision du monde idéal, moi aussi je l'ai perdu avec le temps. Alors je montre les dents, des temps festifs suivis d'explosions fautives. Faut-il être fertile pour habiter l'île? Les taux des dunes. On va manquer d'eau, mais pas ça sur mon dos. Parce que j'ai vite les pas, taille que je mène parmi le bétail. Au fait de moi un homme en besoin de travail. Dans la brume, y'a la mort qui fume sous sa barque. Mouillé de bitume, je suis sur la rive. Je te salue vieux salaud, tu m'as sali tous les eaux. Je respire à juste niveau. It's gone, oh so close. It's gone, oh so close. It's gone. La clochonnée d'un autre décès. Des cerfs-volants s'évadent, donc finit ton dessert. Car le sablier, lui, ben, il est fière allure lorsqu'il laisse tomber son dernier morceau. Morsure de vie, cicatrice ta peau. Le temps n'est pas tôt, mais plutôt maintenant. Maintenant, saute du cerveau, alors mets tes gants, mets-toi au boulot, passe ta vie sous le rouleau. Une bonne roulade dans la neige du printemps, une belle balade dans les rues du mauvais temps. Je m'en veux tant de pas voir reformuler avant de faire des changements, de prendre du devant, décoller de mon divan, sentiment. Divin, comme la senteur d'une bouteille de vin. Va où tu désires, dessine-moi un mouton. It's gone, oh so close. It's gone, oh so close. I take a déconner des cons, finit par couper des ponts, c'est sur des ponts, tu le comprends. Attaché à mon cœur, attiré ma fureur. Comme un papillon de nuit à la lumière, je m'abandonne à la lune entière. Comme l'océan qui avale la rivière, je fais m'envoler, retomber en poussière. Danse mon âme, danse, je ressens pas ma danse. Danse mon âme, danse, je ressens pas ma danse. Just est dans le vent. Animal dans mon sang, déchaîné comme l'orage. Je suis colère sauvage, comme un papillon de nuit à la lumière. Je m'abandonne à la lune entière, comme l'océan qui avale les rivières. Je fais m'envoler, retomber en poussière. Danse mon âme, danse, te sens pas ma danse. Danse mon âme, danse, te sens pas ma danse. DJ Pierre qui a débuté le bloc de l'Est Québec-Ontario avec un remix de la chanson Danse de Cindy Noir. Cindy Noir qui est en spectacle, je pense, au début septembre ou fin septembre, le 28 septembre à Ottawa pour nous proposer son nouvel album qui a sorti là, au printemps. Donc, oui, très beau remix, très intéressant. Donc, bravo DJ Pierre. On poursuit ça avec Haricots, qui, eux, vont finalement débuter leur tournée Coup de cœur salut de septembre 2018 à juin 2019. Ils vont visiter des endroits comme Toronto, Penetanguishene, Val-Caron, Whitby, Kanata. Il y aura aussi Welland, Oshawa, Chapleau, Hearst et bien d'autres. Donc, belle tournée pour Haricots. Je suis très content pour eux. On va entendre « Au fond de la mer » tiré de leur album « Portrait de famille ». Par la suite, on va entendre aussi « Georgian B » qui est Kelly Lefebvre, qui fait partie aussi de Haricots. On va les entendre avec « Roi ». Et on va terminer notre première partie du Bloc de l'Est Québec-Ontario avec la chanson de René Ray. René Ray, « Le monde est con », ça va très bien cette chanson-là. La gang de Rond.5 devrait rentrer en studio très très bientôt pour enregistrer quelques chansons. On espère les avoir pour vous les faire entendre. Mais pour l'instant, voici Haricots au fond de la mer. De l'enfer. Les nuances de bleu, ça s'embrise doucement. Le soleil, un éclat distant. Attrapé par un coussin d'algues vertes, j'ai saisi la tige, je me suis ancré. Fini le chaos, vient un calme déconcertant. Seul dans un univers de noirceur. Jamais l'air. Un sombre cirque de vie de naufrage. Je m'enveloppe dans ses ailes et m'emporte dans le vent. À la merci de la mer, je laisse mon destin au courant. Qui m'enveloppe dans ses ailes et m'emporte dans le une fois, on commence bien l'histoire comme ça, des dames en détresse attendant leur chevalier. En réalité, je ne vais jamais échanger ma voix pour ton cœur, je garde ma dignité. Des grands yeux, mais je vois pas souvent clair. Je pense encore que le monde est beau. Je vois la vie comme un cadeau. J'ai toujours voulu être heureuse, heureuse de n'importe quelle façon. J'avoue que je suis pas mal niaiseuse en ce qui concerne mes choix de garçon. Mais qu'est-ce que tu veux quand t'as une vie bohème, vie, tu caches ta peine pour plaire. Mais qu'est-ce que tu veux quand tout ce que t'as connu est viré à l'envers. On peint de l'image bien claire. Y'a tellement de merde sur terre. Quand tout d'un coup, je me sens pas bien. Et que l'on sort, je comprends plus rien. Bon ben, rire de ma misère. De mêler de mes affaires. De toute façon, le monde est tellement rendu con. T'as tout ce que tu veux. Je gagne ce que je peux. T'es-tu meilleur que moi? Avec ton gros troc, tes lunettes, je dirai pas ce que je vois. Mais là, je parle pour moi. Il me semble qu'il y a tellement plus que ça. Dans ma petite tête, le monde m'embête. Je suis la seule comme ça. Quelque chose de drôle, rester